Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 85. Du mode et de l'ordre suivi par notre intelligence. Comment s'opère le passage de la connaissance sensible à la connaissance intellectuelle, de l'abstraction des images sensibles, de la nature des espèces intelligibles? Notre intelligence procède-t-elle de l'universel au particulier, ou est-ce le contraire? De quelle manière elle connaît plusieurs choses à la fois? Procédé de la composition et de la division, de l'erreur, de la parfaite connaissance. 1. Notre intelligence connaît-elle les choses corporelles et matérielles en agissant par abstraction sur les images? La fonction propre de l'intelligence est de connaître les formes individualisées dans la matière, mais seulement en général, et non telles qu'elles existent dans telle matière particulière. Pour arriver à ce résultat, lorsque l'objet perçu par l'un de nos sens a déposé dans notre âme une impression ou image de lui-même, l'intelligence s'empare de cette image, et l'en abstrait les conditions matérielles, les éléments particuliers. Tout ce que l'image contient d'individuel et de local, elle dégage ainsi une espèce intelligible ou idée qui représente les points de vue généraux de l'objet, sa nature générale. L'espèce intelligible agit ensuite sur l'intellect, passif, le pénètre, l'informe et y détermine un acte qui est la connaissance intellectuelle. Note. Les espèces intelligibles signifient les idées générales que notre esprit se fait des choses. Ces espèces, conservées dans l'intelligence passive, y demeurent virtuellement, quand elle n'est plus en activité. L'intelligence active en fait usage suivant les objets auxquels ces espèces conviennent. Fin de la note. 2. Les idées ou espèces intelligibles abstraites des images sensibles sont-elles pour notre intelligence un objet ou seulement un moyen de connaissance? Dans l'opinion erronée de certains philosophes, les espèces intelligibles abstraites des images sont, pour l'intelligence, non un moyen de connaître, mais les objets mêmes de nos connaissances. De sorte que nos facultés intellectuelles ne connaîtraient que leur propre modification, c'est-à-dire l'espèce intelligible qu'elles ont reçue, et rien au-delà. Ce système est faux pour deux raisons. Premièrement, si nous ne connaissions que les espèces intelligibles qui sont dans notre âme, les sciences n'auraient pas d'autres objets que ces espèces mêmes. Elle ne porterait plus sur les choses elles-mêmes placées hors de l'âme. En second lieu, il fait revivre l'erreur de ces antiques philosophes qui soutenaient que tout ce que l'on pense est vrai et que deux propositions contradictoires peuvent être vraies tout à la fois, car, si l'intelligence n'a pour objet de son jugement que sa propre modification, elle ne juge que de son affection même et ne se trompe jamais, ne pouvant manquer de percevoir son objet tel qu'il est pour elle. Admettez que le goût, par exemple, ne doit prononcer que d'après sa propre modification, l'homme qui jugera que le miel est doux portera un jugement vrai, et celui dont le palais dépravé trouvera que le miel est amer portera aussi un jugement vrai. Dès lors, toute opinion serait également vraie. En présence de semblables conséquences, il faut évidemment en revenir à dire que l'espèce intelligible est un moyen par lequel l'intelligence comprend, et que la chose elle-même dont elle est la ressemblance est le premier objet connu par notre entendement. Mais, comme l'esprit humain a le pouvoir de se réfléchir sur lui-même, nous connaissons par un même acte, d'abord la chose elle-même, et ensuite l'espèce intelligible qui la représente. 3. Les choses les plus universelles s'offrent-elles les premières à notre esprit? Les sens, qui ont pour objet la perception des êtres particuliers, se développant en nous avant l'intelligence, la connaissance des êtres individuels précède par là même en nous celle des choses universelles. Mais, dans l'esprit humain lui-même, les idées les plus universelles précédant toujours celles qui le sont moins, car notre intelligence, qui est d'abord une connaissance vague, confuse et imparfaite des choses, les connaît mieux lorsqu'elle en distingue les principes et les éléments. Connaître un animal, par exemple, en tant qu'animal, c'est-à-dire d'une manière vague, est plus naturel à notre esprit que de le connaître d'une manière distincte, comme étant tel animal doué ou privé de raison, un homme ou un lion. La même loi se remarque dans les sens, qui perçoivent aussi les choses en général avant d'en saisir les particularités. Lorsque j'aperçois un objet dans le lointain, il m'apparaît comme un simple corps, avant que je puisse juger que c'est un être animé, et je reconnais un être animé avant de reconnaître Socrate ou Platon. Les enfants distinguent un homme d'un autre objet avant de distinguer un homme d'un autre homme, et voilà pourquoi ils commencent par donner le nom de père à tous les hommes indistinctement. On voit par ces aperçus que les choses les plus vagues, les plus universelles, sont celles qui se présentent les premières à notre intelligence, et même à nos sens. Note. Nous connaissons l'homme d'une manière vague et confuse, avant de pouvoir distinguer clairement les diverses parties dont il est composé. Fin de la note. 4. Pouvons-nous comprendre plusieurs choses à la fois ? Comprendre, nous dit le philosophe, n'embrasse qu'un objet, mais savoir en embrasse plusieurs. Notre intelligence peut bien comprendre plusieurs choses à la fois sous la forme de l'unité, c'est-à-dire sous une seule espèce intelligible, mais non sous la forme de la multiplicité. Si donc il est des choses qui puissent être saisies dans une seule idée, elle pourra les comprendre à la fois, c'est ainsi que Dieu voit simultanément toutes les choses par une seule, qui est son essence. Pour celles qui ne se perçoivent que par des idées ou espèces diverses, il nous est impossible de les comprendre en même temps. Note. En considérant les parties d'un tout comme renfermées dans l'ensemble, je puis les saisir sous la seule forme du tout et les percevoir à la fois, mais si je les considère comme contenus sous plusieurs espèces, il ne m'est plus possible de les comprendre en même temps. Fin de la note. 5. Notre intelligence comprend-elle par composition et par division ? Une preuve manifeste que notre intelligence comprend par composition et par division, c'est qu'il y a composition et division dans les propositions affirmatives ou négatives qui représentent les conceptions de notre esprit. La nature même de notre intelligence nous en fait une loi, car, bien différente de celle de Dieu ou des anges, elle n'a pas, du premier abord, une connaissance parfaite des choses. Elle commence par en saisir l'essence, ensuite elle prend connaissance des propriétés, des accidents, des habitudes et des autres qualités qui se rattachent à l'essence. Il lui faut, après cela, rapprocher une chose comprise d'une autre chose, puis les diviser, passer encore d'un rapprochement et d'une division à d'autres opérations semblables, ce qui s'appelle raisonner. C'est donc en composant, divisant et raisonnant qu'elle acquiert ses connaissances, au lieu que Dieu et les anges voient immédiatement, par la simple intuition de la nature des êtres, ce que nous y découvrons par cette triple opération. Note. La composition et la division résultent de la ressemblance et de la différence. La composition consiste dans l'affirmation de l'identité du sujet avec l'attribut, la division, dans la négation de cette identité, à cause de la différence que l'esprit aperçoit entre les deux termes exprimés. Fin de la note. 6. L'intelligence peut-elle être fausse? L'intelligence, selon la remarque d'Aristote, est toujours vraie en elle-même. L'homme qui se trompe, dit saint Augustin, ne comprend pas. Chaque faculté est vraie dans sa sphère propre, car, disposée et ordonnée pour son objet, elle conserve toujours les mêmes relations avec lui. L'intelligence ayant pour objet la connaissance de la simple nature des choses, sur ce point elle ne se trompe pas. L'erreur ne s'introduit en elle que dans la composition et la division des idées, c'est-à-dire dans le raisonnement, car, ici, elle peut errer sur les définitions composées, par exemple, quand la définition d'une chose est appliquée à une autre, comme celle du cercle au triangle, ou quand une définition, fausse en soi, unit des qualités qui s'excluent. Comme dans cette proposition, un être raisonnable a des ailes. Mais elle ne se trompe jamais dans les idées simples dont la définition n'admet aucune composition, ni dans les propositions dont la vérité se manifeste aussitôt que l'on connaît la valeur de leurs termes, ni, conséquemment, dans les premiers principes et dans les conclusions que les sciences en tirent logiquement. Si nous sommes en défaut dans ces matières, c'est que nous n'embrassons pas la totalité de notre objet, comme l'a dit Aristote. Note. L'entendement, dit Bossuet, est fait pour entendre, et toutes les fois qu'il entend il juge bien, s'il juge mal, il n'a pas assez entendu. Tout ce qu'on entend est vrai, quand on se trompe, c'est qu'on n'entend pas. Fin de la note. 7. Une seule et même vérité est-elle mieux comprise par un homme que par un autre? L'expérience de tous les jours est là pour certifier que certains esprits comprennent mieux que d'autres. Objectivement, la même vérité n'est pas mieux comprise par un homme que par un autre, elle doit être entendue telle qu'elle est, ou bien elle ne serait pas réellement comprise. Subjectivement, un homme peut la comprendre mieux qu'un autre, parce qu'il est doué d'une plus grande force intellective, c'est ainsi que, dans les choses matérielles, un homme distingue un objet mieux qu'un autre, parce qu'il a la vue plus perçante. Il y a des intelligences plus parfaites les unes que les autres, comme il y a des corps mieux doués que d'autres. La perfection de l'intelligence peut provenir des dispositions du corps et des facultés inférieures de l'âme. Plus le corps est bien disposé, plus est parfaite l'âme qui lui est unie. Plus les facultés inférieures sont puissantes, plus aussi les hommes sont propres aux actes de l'intelligence. 8. L'intelligence connaît-elle l'indivisible avant le divisible? Il y a trois sortes d'indivisibles. Parle-t-on d'un tout continu actuellement indivis, mais susceptible d'être divisé? Ce genre d'indivisible est compris par nous ayant sa division. La connaissance confuse d'un tout précède la connaissance distincte de ses parties, nous l'avons vu. Parle-t-on d'un être qui est indivisible dans son espèce, par exemple, de la raison humaine? Cet indivisible nous est encore connu avant sa division en parties, il est même l'objet propre de notre intelligence. Mais si l'on entend le troisième genre d'indivisible, le seul, à bien dire, qui mérite ce nom, celui qui, comme le point ou l'unité absolue, n'admet la division ni en acte ni en puissance, celui-là ne nous est connu qu'après le divisible. Par la négation de la division, et la preuve de cela, c'est que nous le définissons au moyen d'une négation. Le point, disons-nous, est ce qui n'a pas de partie. Ainsi l'indivisible absolu n'est compris de notre esprit qu'après le divisible,